Je viens rapper pour les foules et pas rapper pour m'écrouler. Je viens rapper mon dégoût et pas rapper pour leur prouver. Rapper comme on sait le faire, rapper les poches trouées. Rapper comme on sait le faire, rapper les poches trouées. Je viens rapper pour les foules et pas rapper pour m'écrouler. Je viens rapper mon dégoût et pas rapper pour leur prouver. Rapper comme on sait le faire, rapper les poches trouées. Rapper comme on sait le faire, rapper les poches trouées. Les poches trouées, les poches trouées. Salut public, comment ça va? Comment ça va? Tu sais pas faire, hein, bouge ton cul et que c'est Pantera. Que c'est Pantera. Tu pourras rien faire contre ça. Bac à H, comme des cartouches de 16, ouais. Bac à H, bac à H. Box le beat, ma gueule. Il m'arrive seulement de taire des choses parfois. Parce que les êtres humains ne supportent pas trop de réalité.